Bonjour à tous et à tous et bienvenue à l'écoute de ce journal du 17 juillet dont voici les grandes articulations. 10 personnes ont été blessées dans une explosion de grenades de ce dimanche soir dans un débit de boissons dit chez Kouba Djandaloumé au quartier urbain de Bouiza, c'est en mairie de Bujumbura. Les habitants demandent que la sécurité soit renforcée. 9 suspects ont déjà été arrêtés dans le dossier du meurtre de feu docteur Francesco de Simone, ancien de l'hôpital Kira de Bujumbura. C'est selon un communiqué de presse de ce lundi du procureur général de la République. La sagesse et le savoir-faire de celui qui a conduit à bon port les négociations d'Arusha en 2000 devraient inspirer l'équipe de la médiation et ceux qui s'engagent dans le dialogue extérieur aujourd'hui au Burundi. L'appel de l'ancien président burundais Sylvestre Ntibantunga Agnès à la veille de l'anniversaire de la journée internationale de Nelson Mandela ou appelé le Mandela Day. Le directeur du lycée technique communal de Luigi est suspendu depuis vendredi pour falsification des points des élèves afin qu'ils avancent de classe. Toujours en province, Luigi, seuls 4 écoliers batois sur 100 ont pu achever l'année scolaire aux écoles fondamentales d'Okigamba. Les détails, c'est dans ce journal mis en nom de Parémé Toussaint Mitebouti. À la présentation, Mireille Kanyange. Bienvenue. Bonjour, page justice pour débuter ce journal. 9 suspects, dont une certaine Chizadiane personne, ont déjà été arrêtés dans le dossier du meurtre de feu docteur Francesco de Simone, qui fut docteur à l'hôpital Kira de Bujumbura. Dans un communiqué du procureur général de la République de ce lundi, une fouille a été opérée au domicile et différents documents ont été saisis, dont certains, selon toujours le communiqué signé par feu docteur, des documents attestant l'existence d'un consulat de Suède au Burundi et que la nommée Chizadiane personne est son consul. Le procureur général de la République informe en outre qu'après vérification auprès du ministère burundais des Relations extérieures, la Suède n'a pas de consulat au Burundi. Beaucoup de documents justifiant des projets fictifs ont été saisis lors de cette fouille et feront objet d'instruction. Pour rappel, ce docteur a été tué dans la matinée du 3 juillet à son domicile, assise à Kiriri. Page politique sans transition. Les protagonistes dans le conflit burundais devraient se convaincre et s'engager dans le dialogue sans faux fuyant. C'est ce que propose l'ancien président de la République, Sylvestre Ntibantunga Agnès, à la veille de la journée internationale de Nelson Mandela. Cet ancien chef d'État estime que la sagesse et le savoir-faire de celui qui a conduit à bon port les négociations d'Arusha en 2000 devraient inspirer l'équipe de la médiation et ceux qui s'engagent dans le dialogue extérieur. On l'écoute, il a été joint au téléphone par Joseph Nsabiabandi. Mandela a bénéficié de l'expérience qu'il avait vécue dans son propre pays et en tant que leader dans la lutte contre l'apartheid. Malgré les 27 ans qu'il avait passé en prison, on sait qu'il n'avait jamais hésité aucun instant à entrer en contact, même de manière clandestine, avec ceux qui dirigeaient le pays alors pour parler justement du besoin de la paix pour l'Afrique du Sud. Et cela, il a réussi et c'est ce qui a conduit qu'il a été après libéré et a contribué à libérer à son tour l'Afrique du Sud de l'apartheid. Cela a constitué une expérience pour lui quand il a été nommé pour succéder à Mwalimu Julius Nyerere qui venait de décéder. Et il a utilisé cela. Je me souviens que lors de sa première visite ici à Bujumbura, après sa nomination, il a demandé d'aller directement à la prison de Mpimba pour visiter les prisonniers. Je me souviens qu'à l'époque, après cette visite à la prison, il est venu parler aux députés qui avaient été élus en 1993. Et après cela, il a essayé d'amener toutes les parties burundaises à se convaincre et à s'engager dans la voie des négociations en tant que telles et qui ont abouti à l'obtention de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Qu'est-ce que les protagonistes dans le conflit burundais et l'équipe de la médiation pourraient tirer de l'expérience de Mandela pour conduire le dialogue extérieur au bon port? Mandela avait des dons exceptionnels. Il savait comment parler aux uns et aux autres en les mettant devant les propres responsabilités par rapport aux besoins fondamentaux que les Burundais avaient. Il savait ici ou là donner l'impression qu'il menaçait, en même temps qu'il vous amenait justement à sentir la responsabilité qui vous revenait pour avancer vers des décisions salvatrices. Et je pense que c'est cela qui devrait constituer la ligne directionnelle et actionnelle de ceux qui s'engagent, ceux qui sont engagés dans le dialogue aujourd'hui. Sylvestre Ntibantunganya, c'est l'ancien président du Burundi. Il a été joint au téléphone par Joseph Nsabiyabandi. Après une courte transition, c'est la page éducation. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h01 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons ce journal. Le directeur du lycée technique communal de Ruigi a été suspendu ce vendredi de ses fonctions. Emmanuel Ndageramiwe est accusé par la direction provinciale de l'enseignement à Ruigi d'avoir falsifié les points des élèves dans certains cours pour qu'ils puissent avancer de classe. Ce directeur a expliqué qu'il l'a fait en vue de pouvoir relever le taux de réussite jugé très bas, ce qui n'a pas convaincu l'autorité provinciale de l'éducation qui fait savoir qu'un procès verbal irrelatif est à transmettre au ministère ayant l'éducation dans ses attributions pour la poursuite du dossier. Restons dans la province Ruigi pour parler de l'éducation. Seuls 4 sur 100 écoliers batois ont pu achever l'année scolaire aux écoles fondamentales de Kigamba en commune et province Ruigi. Leurs parents présentent le manque de nourriture comme la cause de ces abandons scolaires et le collectif des associations des batois dans cette province demande qu'il y ait organisation de la restauration des écoliers aux écoles proches des villages des batois dans l'intérêt de ces jeunesses de la minorité burundaise marginalisée, nous rapporte Jean-Claude Jimriman. Selon des informations recueillies au village de Batois de Gwamvura en commune et province Ruigi, sur un total de 100 enfants batois qui suivaient les études au début de l'année scolaire 2016 et 2017 aux écoles fondamentales de Kigamba 1 et Kigamba 2, 4 seulement ont pu achever l'année scolaire, les autres ayant abandonné un à un tout au long de l'année. Certains de leurs parents contactés disent que ces enfants abandonnent l'école puisqu'ils manquent souvent de quoi manger du retour de l'école alors qu'ils n'en trouvent même pas tous les soirs. Selon eux, un enfant qui n'étudie pas a d'autant de rêves ici et là dans différents ménages où il peut par chance avoir de quoi mettre sous la dent. Jude Kagabo, président du collectif des associations des batois dans la province de Ruigi, demande au gouvernement burundais d'organiser la restauration de midi aux apprenants aux écoles qui accueillent les enfants batois pour qu'ils puissent et aussi poursuivre les études jusqu'au bout de l'année. Bernard Ngasigaye, directeur provincial de l'enseignement à Ruigi, fait savoir que le taux d'abandon scolaire des enfants batois est largement supérieur à celui des enfants des autres composantes de la société burundaise. Il estime que c'est parce que les enfants batois ne sont pas encore attachés aux études. Toutefois, il promet que les écoles qui accueillent les enfants batois seraient prioritaires au cas où un quelconque bienfaiteur se présentait pour assurer la restauration de midi aux écoliers. Jean-Claude Nshimirimana, Ruigi, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Claude Nshimirimana pour ces détails. Page sécurité à présent. 10 personnes ont été blessées dans une explosion de grenade à la 2e avenue à Bouiza dans la ville de Bujumbura. Le criminel a visé un bistrot communément appelé Kouajan Darume. Selon la police, le criminel a été identifié car il a fui en laissant son véhicule sur place. Les habitants de cette zone de Bouiza demandent que leur sécurité soit assurée. Les précisions avec Alidan Daikeza qui s'est rendu sur place. Cette grenade a été lancée au milieu de la 2e avenue de la zone Bwiza, devant le bar communément appelé Kouajan Darume. Quand nous y sommes arrivés, l'impact de cette grenade était encore visible. Une des blessées qui était sur place nous a indiqué que cette grenade a été lancée la nuit par une personne non identifiée. Il était plus de 20 heures. Je me rendais à la boutique parce qu'il y avait beaucoup de personnes et j'ai été obligée d'attendre. Et c'est là qu'on a entendu la grenade exploser. Il y avait un véhicule qui a quitté le lieu, mais nous n'avons pas pas pu voir la personne qui a lancé cette grenade. Par après, la police est arrivée et ils ont commencé à évacuer les blessés vers l'hôpital. Le porte-parole de la police, Pierre Mourikiye, via son compte Twitter, a fait savoir que cette personne aurait été blessée au cours de ce forfait, mais selon des informations recueillies sur place, ce serait plutôt 15 personnes. Le nombre de blessés est de 15, dont 5 grièvement. On n'a pas vu la personne qui a lancé la grenade, mais surtout, il se trouvait à bord d'une voiture Probox sans plaque d'immatriculation. Nous l'avons vu car il est entré dans le véhicule immédiatement et la voiture s'en est allée. Il y a moins d'une semaine qu'une autre grenade a été lancée dans cette même zone. Les habitants de cette localité demandent que la sécurité soit renforcée pour éviter de pareils cas. Radio Isanganiro Chronique. Place à la chronique sportive de ce lundi. Organiser des compétitions nationales de football des moins de 16 ans est l'une des réponses pour détecter des talents qui représenteront le Burundi dans l'avenir, dans des compétitions internationales. C'est ce qu'indique le président de la commission chargée des compétitions à la Fédération de football du Burundi. Youssouf Mossi appelle aux collectivités locales et aux opérateurs économiques de contribuer à ce projet soutenu matériellement par la Fédération internationale de football amateur FIFA. Les détails avec Évariste Nzikobanyanga. Le joueur de football qui a de l'avenir est celui qui a pratiqué ce sport dès son bas âge. Youssouf Mossi, président de la commission chargée de la compétition à la Fédération de football du Burundi, explique ce qui est en train d'être fait. Pour cette année-ci, on va faire pour les moins de 16 ans. Et ainsi de suite, jusqu'en l'an 2020, on aura fait le boucle avec les enfants de moins de 20 ans. Donc, c'est-à-dire que ce sera un programme continu. Et l'objectif de ce programme, c'est de mettre en place, avec les meilleurs joueurs qu'on aura choisis, mettre en place des équipes nationales qui vont aider à pouvoir alimenter nos équipes qui participent dans des compétitions internationales. Le président de la commission chargée des compétitions au niveau national trouve qu'il est difficile pour organiser ces jeunes au niveau provincial, faute de moyens. Mais il indique que la FIFA appuie matériellement ce projet. Les moyens sont là. Nous avons essayé de travailler ensemble avec la FIFA, qui nous aide à développer ce programme et nous espérons que la FIFA va continuer à nous aider parce que c'est un programme très ambitieux, mais quand même on espère qu'il donnera des résultats positifs. Cela étant, la Fédération de football du Burundi ne peut pas à elle seule accomplir cette mission. Youssouf Mossi trouve que le concours des collectivités locales serait une valeur ajoutée pour avoir de bons résultats. Nous lançons un appel aux collectivités locales, donc c'est-à-dire les provinces et les communes et les opérateurs économiques pour que nous joignions nos efforts et tout faire pour que ce programme puisse bien évoluer. Parce que je suis sûr, avec par exemple le panel des entraîneurs qu'on a sur place, nous allons identifier les meilleurs joueurs et ces meilleurs joueurs vont être encadrés par la Fédération de football du Burundi à travers les camps d'entraînement et nous allons continuer à pousser. Alors, supposons par exemple il y a un joueur qui sort du lot et qui va à l'extérieur et le bénéfice sera très important pour sa collectivité locale. C'est dans l'optique de détecter les jeunes talents de football qu'un championnat national des jeunes de moins de 16 ans, édition 2017, a été lancé ce dimanche. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, Léonce Vitalio nous amène au Cameroun où 34 militaires sont disparus en mer hier dimanche. Au Nigeria, où 9 personnes ont été tuées dans l'explosion d'un réservoir de gaz. Il y a également le coordinateur de l'organisation OCHA, qui est aujourd'hui en République centrafricaine, pour alerter sur les besoins humanitaires grandissants. Léonce Vitalio. Le patron de l'ONG OCHA, le bureau de coordination humanitaire de l'ONU, est arrivé hier dimanche à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Il est allé alerter, selon le site internet de RFI, sur les besoins humanitaires grandissants après la reprise des violences dans l'est du pays. Depuis les combats qui ont eu lieu début mai et qui continuent aujourd'hui, selon encore RFI, plus de 100 000 nouveaux déplacés vivent dans des camps de fortune à Zemio, à Lindao, Bria ou Bangassou. C'est d'ailleurs à Bangassou que M. Stephen doit se rendre ce lundi pour constater les dégâts des affrontements sanglants commis par des groupes d'autodéfense envers la communauté musulmane il y a 2 mois. Au moins 9 personnes ont été tuées dans l'explosion d'un réservoir sur un complexe gazier situé dans le sud-est du Nigeria. De nombreuses autres personnes ayant subi différentes brûlures sont actuellement soignées dans l'un des hôpitaux de la ville, à en croire la BBC Afrique. La police renseigne qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'explosion. BBC Afrique qui écrit que les explosions sont fréquentes au Nigeria, premier pays producteur de pétrole et pays le plus peuplé de l'Afrique, où le carburant est transporté sur des routes mal entretenues par des camions en mauvais état. Et puis, un navire de l'armée camerounaise transportant des dizaines de militaires de la brigade d'intervention rapide a chaviré dimanche dans les eaux territoriales camerounaises au large de Deboumcha, au sud-ouest. Le site internet de BBC Afrique parle de 34 militaires disparus en mer. Le ministre camerounais de la Défense fait savoir que 3 soldats ont pu être secourus du navire qui transportait 37 personnes à bord, dont les membres d'équipage. Outre les militaires, et selon encore BBC Afrique, le navire transportait du matériel destiné à la construction d'un quai sur les bases militaires de Bakassi. Merci à Léonce Vitaliro pour ces détails. Point final à ce journal. Mais pour ceux qui viennent de nous capter, je vous rappelle quelques titres. 10 personnes ont été blessées dans une explosion de grenades ce dimanche soir dans un débit de boissons dit chez Kouadjan Daroumé. C'est au quartier urbain de Bouiza. Les habitants demandent que la sécurité soit renforcée. 9 suspects ont déjà été arrêtés dans le dossier du meurtre de feu Dr Francesco de Simone, ancien docteur de l'hôpital Kira de Bujumbura, selon un communiqué de presse de ce lundi du procureur général de la République. La sagesse et le savoir-faire de celui qui a conduit à bon port les négociations d'Arusha en 2000 devraient inspirer l'équipe de la médiation et ceux qui s'engagent dans le dialogue extérieur. L'appel est de l'ancien chef d'État Sylvestre Ntibantunganya à la veille de la journée internationale de Nelson Mandela. Le directeur du lycée technique communal de Ruyigi est suspendu depuis vendredi pour falsification des points des élèves afin qu'ils avancent de classe. Toujours dans cette province de Ruyigi, seuls 4 écoliers Batois sur 100 ont pu achever l'année scolaire aux écoles fondamentales de Kigamba. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à Aimé Toussaint Mitebouti qui en assurait la mise en onde, à l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Je dis merci. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.